Selon le journal sud-coréen Le Travail et Le Monde, la direction du mouvement de Busan pour le retrait du pouvoir de Bakouni a tenu le 6 devant le commandement d'opération de la marine sud-coréenne à Busan une conférence de presse contre les exercices militaires américains sud-coréens contre notre république.